Scène 7, Dufausset, Julie. Oh, c'est trop fort, m'humilier de la sorte. Ce matin, il me choyait, il me mettait des foulards, et maintenant, il me reçoit comme un chien dans un jeu de quilles. Oh. Vous êtes en colère, monsieur Dufausset? C'est votre père. Mademoiselle, il veut que je fasse les chambres, que je cire les parquets. Votre père. Oh! Un peu plus, il m'appellerait Larbin. Pauvre jeune homme. Papa ne pense pas ce qu'il dit. Peut-on faire de la peine à un si gentil garçon? Oh, mademoiselle, il m'a profondément blessé. Et si je n'étais retenu par les charmes d'une personne? Est-il possible? Une jeune personne? Une jeune personne, mais je ne peux la nommer. Non, ne la nommez pas, ça me ferait rougir. Il n'y aurait vraiment pas de quoi. Amandine doit avoir reçu mon billet maintenant. Que va-t-elle penser? Je suis bien heureuse de l'aveu que vous venez de me faire. Ah, bien heureuse, et je vous sais gré de votre discrétion. La discrétion est la première des qualités de l'homme. N'empêche qu'elle voudrait bien savoir qui c'est, la petite. Ah, je suis bien heureuse. Et moi, je meurs de faim. Dufausset sort.